bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Ça m'excite. Allô, allô, bienvenue dans ce nouveau Lobster, le Lobster 159.0. Et oui, on est quoi? On est le 23 janvier au soir quand je débute l'enregistrement de ce nouveau Lobster. On a débuté le Lobster avec une belle chanson, une chanson à la guitare électrique qui se nomme El Hombre de Barro, qui veut dire l'ombu. C'est une chanson que mon frère a fait, une belle chanson. Je pense qu'on l'avait déjà écoutée, mais bon, je suis tombé là-dessus sur mon ordi dernièrement, puis j'ai dit, on va la rejouer dans ce Lobster, dans la chanson El Hombre de Barro, l'homme bou. Sinon, quoi d'autre de nouveau? Eh bien, cette semaine, ah oui, c'est ça, on parle de ça cette semaine. La semaine passée, j'ai joué aux cartes avec mes amis, avec Martin, Nicolas, Étienne. On a joué à Magic un soir, Magic the Gathering, là, le jeu qu'on joue depuis longtemps. Puis là, Martin avait préparé des vidéos. Il fait des montages chez lui. Puis là, il y avait des vidéos de vieilles, de vieux parties d'Halloween là, quand j'avais 25 ans. Tout ça. On a regardé ça pendant la soirée, c'était vraiment le fun. De nous voir plus jeunes. Puis Martin m'avait ramené aussi des lettres que j'y avais envoyées quand moi j'ai quitté pour l'université de Sherbrooke. À Martin, on était très très proches. Puis rendu à l'université, j'ai continué à lui écrire des lettres. Puis là, Martin m'a ramené 4 lettres. Je les ai pas lues. Je vais juste les ouvrir pour les démêler par ordre de date. Puis on va se lire ça dans le Lobster. Ça a été écrit, probablement en 93. Je pense que c'est ça, c'est cette année-là que j'ai débuté l'université. Donc, c'est au début d'Internet. J'ai juste regardé une des phrases dans une des lettres, puis c'était écrit « Je pense que je vais engraisser beaucoup. » Donc, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Donc, on va lire ça, on va le découvrir ensemble, puis je vais réagir. J'ai 4 lettres. Puis les lettres, ils ont l'air d'avoir 3-4 pages. Ben, en tout cas, l'enveloppe que j'ai ouverte, il y avait 3 pages au moins. Donc, voilà pour ça. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, j'ai écouté ça cette semaine. On écoute. Prépare-toi à te battre, le kid. Ça va saigner. Ben oui, j'ai réécouté le film Turbo Kid avec Laurence Leboeuf dans le rôle de l'agent d'Android. C'est tellement bon. C'est gore, par exemple, c'est pas pour écouter avec vos enfants trop jeunes, tu sais, mais c'est comique. À un moment donné, quand il coupe un des corps, le corps, il revole dans les airs, puis il tombe sur la tête d'un autre, fait que là, ça devient un corps à deux troncs, puis le sang coule partout, fait que c'est quand même comique. Mais pourquoi j'ai écouté ça? C'est parce que mon frère, un soir, m'a écrit en me disant « T'as-tu Spaceball? » Il voulait réécouter Spaceball. Puis bon, finalement, on l'a trouvé sur YouTube. Moi, je l'avais pas vraiment écouté, Spaceball, je pense. En tout cas, c'est un classique quand même, là. C'est la parodie de Star Wars. Fait qu'avec John Candy là-dedans, qui joue le genre de Wookiee, là, poilu. Donc, j'ai réécouté ça. Puis après ça, j'ai continué. J'étais allé voir sur mes vieux. J'ai 3-4 disques là, de plusieurs téras de films. Puis j'ai regardé dans mes vieux films qu'est-ce que j'avais, puis que j'avais le goût de réécouter. Fait que j'ai réécouté Turbo Kid le même soir. Puis après ça, je me suis fait un genre de ciné-cadeau. Rendu dans mon lit, j'ai écouté sur mon téléphone j'ai commencé à écouter Astérix. J'ai écouté Astérix et le coup du Méné. Toutes les Astérix, si vous voulez les écouter, sont disponibles sur archive.org. Vous avez juste à cliquer sur vidéo, puis voir all vidéo, puis après ça, dans la recherche, écrivez Astérix. Toutes les films d'Astérix sont là, fait qu'on peut les écouter directement là, de notre téléphone via Internet. Pas besoin de les télécharger ou autre. Donc c'est ça, là, j'en suis là, écouter des films. De quoi je voulais vous parler d'autre? Ah oui, dimanche passé, c'était le 19 janvier, j'avais des billets que j'avais achetés depuis longtemps. Ben des billets, un billet. Je m'étais acheté un billet pour aller voir Alexandra Strelinsky. C'est notre artiste québécoise qui joue du piano partout dans le monde. Puis là, elle terminait sa tournée, spectacle néo-romance, elle terminait à la Place des Arts. Et je suis allé la voir, c'était le dernier spectacle de sa tournée. Et moi, j'étais assis, j'avais choisi mon billet quand même assez bien. Moi, je voulais lui voir les doigts quand elle jouait. Donc, j'étais troisième rangée, là. Il y a trois rangées de VIP au début, j'étais dans la troisième rangée. Puis je m'étais mis dans le coin, donc j'avais personne à ma gauche. Et quand on regardait pour acheter les billets, il disait que son piano allait être placé de telle façon. Donc, je m'étais mis pas trop loin. J'étais quoi, à 20 pieds de son piano. Donc, je la voyais quand elle a débuté. Je voyais... Bon, mes yeux sont pas super bons, là, mais j'avais l'impression qu'elle jouait pas. Mais là, quand j'ai pris le temps de bien la regarder, je voyais que les touches renfonçaient. Fait qu'au début, je me dis, voyons, elle joue pas. On dirait que c'est une piste qui joue. Mais non, finalement, elle jouait bien. Puis bon, c'est ça, elle joue tellement bien. Puis après ça, c'est ça, elle fait rentrer un deuxième piano. Parce qu'au début, elle joue sur un piano à queue qui est déjà sur place. Puis après ça, on en rentre un piano de concert droit, 40. Mais là, c'est les techniciens, ils rentrent, puis ils le placent juste à côté d'où ce que je suis assis. Là, était vraiment proche de moi. Là. Elle devait être rendue à 10 pieds de moi. Là, là je voyais vraiment bien, puis c'était beau. Puis en plus, il y avait un orchestre, il y avait 20 personnes d'orchestre, majoritairement des violons, contrebasse, une clarinette, un saxophone. Il y avait deux hommes, puis le reste était des femmes, 18 femmes. Donc, un orchestre féminin qui jouait avec elle. Puis là, on nous racontait toutes sortes d'histoires entre les chansons. Ça a duré, je dirais, 2 heures. Moi, j'étais allé en après-midi. Ça me tentait pas d'y aller le soir. J'aime plus Montréal. Donc, j'aimais mieux y aller le jour. Donc, de 16 à 17h50, disons. Pas tout à fait 2 heures. En tout cas, c'était magnifique. On en écoute un petit bout. Moi, j'ai enregistré le spectacle pour moi, mais bon, on peut bien en jouer un petit bout, juste pour vous montrer de quoi ça avait l'air avec son orchestre. Thank you. Donc voilà pour le spectacle d'Alexandra Stradinsky, c'était magnifique. Sinon, mon club de cartes postales, je pense que je vous en ai parlé. Je me suis inscrit sur le site postcrossing.net ou .com. Attends. Postcrossing.com, ça permet d'envoyer, ça nous jumelle avec des gens pour envoyer des cartes postales. Tu envoies tes cartes postales, quand la personne la reçoit, elle rentre le numéro que tu as mis dessus, puis là, ça débloque pour que toi, tu en reçoives une. Moi, je suis rendu, j'en ai 14 d'envoyer, puis j'en ai reçu une seule. Ça veut dire qu'il y en a 13 autres qui s'en viennent. La plus loin que j'ai envoyée à date, c'est en Russie. La carte doit faire... Non, c'est pas en Russie, c'est en Australie. 15 500 km pour se rendre ma carte postale. Et tout ça avec un beau petit thème. Je sais pas si je vous l'ai compté. Je suis allé pour m'acheter des thèmes avant Noël, avant que le prix monte. Les thèmes étaient 1$. Là, ils sont rendus à 1,25 là, pour les thèmes permanents. Puis le monsieur, j'ai dit « Ah, je vais envoyer des cartes postales. » Puis moi, je décollais des timbres usagés, puis j'y recollais, mais là, je n'ai plus. Fait que je suis obligé d'en acheter des neufs. Ça me fait bon, j'aime pas ça. Avant, ça me coûtait rien, mais j'en ai plus. Quand le timbre, tu vois qu'il n'a pas été marqué, tu fais juste le mettre dans l'eau, il décolle de l'autre enveloppe, tu le remets, puis tu réutilises. Mais là, c'est ça, je n'en avais plus. Fait que je suis allé, puis là, le monsieur, j'ai dit, ah, juste pour envoyer des cartes postales dans le monde, ben, il dit, c'est 3$, 2,92. J'ai dit, ah, j'ai dit, ben non. J'ai dit, moi, je mets des timbres à 1$, puis ça se rend. Il dit, non, ça se rend pas, monsieur. Puis il m'a mis la main sur l'épaule, puis il m'a demandé de reculer. Il a mis la barrière devant son affaire de Poste Canada, puis il est parti. Fait que là, je le dérangeais. Il voulait aller à sa pause. Mais bon, le lendemain, je suis revenu, puis j'ai redonné sa facture, j'ai redonné ses timbres à 3$, parce que je m'étais laissé convaincre. Moi, j'étais parti pour acheter des timbres à 1$. Je suis revenu chez nous avec des timbres à 3$. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais payer 3$ pour envoyer une carte postale. Là. Fait que là, je suis retourné, ils m'ont remboursé mes timbres à 3$, puis là, je n'ai acheté plein à 1$. Puis mes cartes postales, ils se rendent autant avec le timbre à 1$. Mais là, je peux vous lire qu'est-ce que j'ai reçu. Moi, j'en ai reçu une du Japon. Elle est quand même jolie. C'est marqué Walt Disney Classic Tarzan. C'est une carte postale de Tarzan. C'est une carte officielle de Disney. Dessus, j'ai plein de beaux timbres. J'ai un timbre Nippon. C'est un petit koala. J'ai un timbre Nippon qui est écrit 2. Je sais pas pourquoi c'est écrit Nippon. J'imagine c'est pour le Japon, ils écrivent Nippon sur leur timbre. Fait que j'ai des timbres à 2 sous, c'est le lapin. J'ai une genre de grue blanche et 10 sous. J'ai un 50 sous, j'ai un 7 sous. Un 20 sous, c'est un chevreuil. Puis un autre, encore un 10 sous, une grue. Puis là, c'est marqué que la carte a été envoyée le 29 décembre 2024. C'est écrit « Hello, bonjour, greeting from Japon ». Bon. Mon nom est Karine, j'adore les films, les cartes postales et Disneyland. Puis là, c'est écrit « Les Japonais adorent les animés ». S'il vous plaît, enregistrez ma carte. Puis là, c'est écrit « JP- » puis 9 chiffres. C'est comme ça qu'on enregistre les cartes. Donc moi, quand j'ai reçu sa carte, je l'ai rentrée dans le site. Comme ça, ça débloque pour elle qu'elle en reçoive. Donc voilà, c'est la première que j'ai reçue. Je devrais en recevoir plein. Moi, ça m'amuse d'envoyer des lettres à des gens. Puis je fais l'effort en plus quand on se connecte puis ils nous disent à qui qu'on doit envoyer une lettre. Ben, ça nous dit dans quelle langue la personne elle parle. Majoritairement, les gens parlent anglais et plus une autre langue qui est leur langue de naissance. Puis là, j'ai écrit en chinois, j'ai écrit en irlandais, puis je fais l'effort, je demande à ChatGPT, je prépare mon texte à l'avance, je le fais corriger, puis ensuite, j'ai dit « traduis-moi ça en chinois ». Puis là, en chinois, là, c'est toutes sortes de signes que je comprenais pas. Là, j'ai dit « écris-moi ça plus gros à l'écran ». Là, il a transformé le lettrage, il m'a mis ça gros, puis là, j'ai copié un à un les dessins que j'avais à l'écran. Tu sais, ça m'a pris 15 minutes à écrire tous mes petits dessins. Après ça, en néerlandais, c'était compliqué aussi parce que c'est toutes des zéros avec des affaires dedans. Les A, ça ressemble toutes. Il y en a 3 différents. En tout cas, c'est intéressant. Puis, je reçois des réponses des gens. Puis, les gens sont contents. Comme j'ai écrit une madame en Allemagne, puis c'était elle, j'ai écrit en néerlandais, puis elle m'a répondu en français. Parce que quand la personne reçoit notre lettre, elle ne nous réécrit pas, mais elle a le droit sur le site de nous écrire pour nous remercier. Fait que là, c'est comme ça qu'on écrit aux gens à qui on a envoyé des cartes postales. Donc voilà, c'est juste amusant. Dès que j'en ai plus, je vous en lirai d'autres. C'est le site postcrossing.com. Donc, on va aller écouter un petit peu de musique, puis au retour, on commence la lecture de mes vieilles lettres d'université. Puis pour la musique, j'ai plein de musique, je pense, à vous faire écouter. Cette semaine, je suis allé sur le site archive.org, là, où ce que j'écoute mes Astérix. Puis là, je suis allé dans la section musique. Puis là, c'est quoi que j'ai écrit? J'ai écrit heavy metal. Après ça, j'ai cliqué. Pour raffiner la recherche, j'ai mis les années 60. En tout cas, je suis tombé sur un monsieur qui fait des compilations de bands heavy metal où c'est des femmes qui chantent. Puis là, lui, il a plein de démos, puis il refait comme un CD avec ça que tu peux écouter. Fait que là, je me suis mis à écouter, puis il a fait volume 1 à 15, je pense. Fait qu'il y a comme 250 chansons. Ça doit être un tripeux d'heavy metal qui va dans les spectacles, parce que pour nous faire écouter des démos comme ça qui viennent que souvent tu achètes en spectacle, ben il faut que ça soit un tripeux là, de ça. Donc, j'ai écouté, moi, environ, je dirais, 150 de ces chansons-là. J'ai pas tout défini encore de les écouter. Puis j'ai ce que je trouvais à mon goût. Là, ça me so sick, garage, all these right to lifers going on and on about the sanctity of life when they could give a shit about the fact that there have been soldiers in Iraq with no exit strategy. Salute, recruit. And God help you if you preach. Salute, recruit. And God help you if you can't. Because somewhere on this earth the bombs are falling. I turn on my TV to watch a drop. And listen to the warmakers applauding. The man with the nerve to pull out all. We'll be right back. Donc voilà pour la chanson. Si vous voulez le chercher sur archive.org, il faut faire une recherche dans audio, puis ça s'appelle FEM, Rock Volume 1. J'ai dit heavy metal tantôt, mais c'est du rock. Je cherchais du heavy metal, puis je suis tombé sur ces femmes-là qui jouent dans des bands rock. Donc, je vous donne le nom parce que c'est difficile à chamaser. Je sais pas s'il y a un mot qui existe, à chasamer, parce que souvent, c'est des démos, donc qui ne sont pas rentrés encore dans la base de données. Donc, on est prêt. On y va avec la première lettre. Je regarde ça. Bon, l'adresse, j'habitais où dans le temps? Frédéric Lavoie, pavillon G1, chambre 215B, résidence universitaire, Université de Sherbrooke, Québec, J1K2K1. Puis j'avais envoyé la lettre à Martin Bergeron, qui habitait dans ce temps-là au 565 des Chevaliers à Chicoutimi. Et ses parents ont vendu la maison. Donc, pour ça, ça ne me dérange pas de donner l'adresse. Première lettre, Sherbrooke, 28 août 93. J'avais 20 ans, je suis né en 73, ouais, 20 ans. Salut! Bon, là, je vous lis ça, si c'est trop gênant, j'arrête, puis je vous donne mes commentaires, mais bon. D'après moi, je vais être bon pour vous lire ça, sans être trop gêné. Salut! Et puis, ça va? Moi, oui, c'est la grosse vie ici. Hey, c'est super le fun, hein? Mon chum de chambre, ah oui, j'avais un coloc, il était à Issab. Il ronflait, c'était fatigant. Mon chum de chambre, qui vient de Rimouski, est super smart. On s'entend bien. Ouais, ça, c'était la première semaine. Je me rappelle que... Bon, je vous lis ça, puis je donne des commentaires. À la fin, je l'aimais pas trop, là, mon coloc. Je l'ai eu une session. Après ça, j'ai pu switcher là, dans une chambre tout seul. Au départ, quand t'arrives, t'as pas trop le choix. Là. Souvent, c'est les chambres doubles pour les nouveaux. Puis, à la fin, on s'aimait pas trop. Mais bon, on se disait pas vraiment. Là, on supportait. Mais moi, je prenais des oignons. Et je les épluchais pour qu'ils sentent un peu, là. Parce que quand il y a trop de peau, il n'y a pas d'odeur qui sent. Fait que je prenais un oignon, je l'épluchais, puis je mettais ça dans le bout de son lit. Fait que dans le bout de son lit, il y avait plein d'oignons qui pourrissaient. C'était comme ma vengeance, parce que je trouvais qu'il faisait du bruit quand il ronflait. Bon, on s'entend bien. Lui est en informatique de gestion ou d'administration. En tout cas, c'est pas mal drôle ici. Notre chambre est assez grande, moins que la mienne, mais il faut bien s'organiser avec ça. Hey, faut que je te raconte. Moi, quand je suis arrivé, j'avais demandé si mon locataire était arrivé. Il m'avait dit que oui, et c'était le cas. Alors, je monte l'escalier, j'ouvre la porte pour l'étage. Qu'est-ce que j'entends? Du piston. Du piston, c'était du piston, du boum-boum. Je m'en vais à la porte d'où sortait la musique. 215, c'est ma chambre. Bon, tu comprends maintenant pourquoi on s'entend bien. Il écoute juste ça aussi. Bon, mon coloc écoutait du dance. Ça partait bien. En plus, qu'est-ce qu'il y a le jeudi, vendredi? Et peut-être ce soir à la radio, c'est marqué le Paradise en direct et le Fahrenheit en direct. C'est deux bars de Montréal, comme le cocktail, et qui font jouer leur musique à la radio. Parce que quand j'étais à Chicoutimi, j'avais un radio qui permettait, là, j'enregistrais le dance sur des cassettes. Mais à Chicoutimi, on pognait pas, c'est pas toutes les postes qui étaient qu'on pognait. Mais là, de Sherbrooke, j'en pognais beaucoup plus, fait que j'étais bien content. C'est marqué de minuit à 3h. Pendant que j'enregistrais un. Pendant que j'en enregistrais un, il en enregistrait l'autre. Bon, on était les deux enregistrés musique. En tout cas, c'est vraiment trippant aussi. Il y a notre discothèque, le Bahut, qui a l'air de jouer du piston. Fait qu'il y avait un bar sur le campus. J'y suis pas encore allé. Bon, je suis allé une fois pendant toutes mes études. C'était pas mon genre de sortir dans les bars vraiment. Moi, ce que j'aimais faire, je me suis fait des amis rendus à l'université. Mes amis n'étaient pas vraiment des amis en génie. Ça a été difficile à cause de ça, parce que quand tu es ami avec les gens avec qui tu étudies, ben, tu partages les choses, puis tu fais tes devoirs. Moi, je faisais toutes mes affaires tout seul, parce que moi, j'étais ami avec les gens qui jouaient à Magic. Fait que moi, le week-end, je partais jouer au centre-ville à Magic. Mais oui. Bon, qu'est-ce que je dis? Pour la bouffe, c'est assez trippant. Je vais probablement engraisser. Ouais, c'est le petit bout que j'avais lu. Car je mange plus que chez nous. On est environ 40 à servir la cuisine. Ça fait qu'il y a pas mal toujours du monde. Ah oui, il y avait une cuisine commune. Ce qui fait que ça prend 1h30 manger. Le monde est super trippant. Et tout le monde est chum ensemble. Ouais, il y avait 3 étages par résidence. Moi, j'étais au deuxième. Puis évidemment, on devient tous amis. Là, on est tous dans la cuisine, puis on écoute les... Il y a une TV, fait que le soir, on écoutait souvent des émissions ensemble, même si on avait la TV dans nos chambres. Je me rappelle qu'on écoutait South Park. On se faisait du popcorn, pas du Orville de Redenbaker. Là. Il y en a un qui avait acheté un gros sac de popcorn en grains. On mettait un peu d'huile, puis là, on en faisait popper, un peu de sel, puis on mangeait ça en même temps. Ça coûtait rien. Bon, hier, je suis descendu faire un tour à l'épicerie vers minuit pour voir si c'était loin. C'était 15 minutes. Et quand je suis revenu, il mouillait à boire debout. En tout cas, après, quand j'ai ouvert la TV de la cuisine et que j'ai écouté la TV jusqu'à 3 heures, mon dieu. Vers 2h30, il y a un Africain qui est venu me trouver à la cuisine et on a jasé. C'était trippant. Le monde est vraiment amical. Oh oui, je me rappelle qu'eux autres, il y était deux. Les Africains, puis quand ils faisaient à manger, là, souvent ils utilisaient pas de l'huile, ils mettaient du beurre de peanut, puis ils cuisaient des choses dans du beurre de peanut. Pff, ça sentait bizarre. Ouais, à part ça, côté filles, bon, ça m'intéressait. J'ai pas eu le temps encore de checker ça, mais il y en a des belles, c'est sûr. Il y a des initiations depuis que je suis arrivé. Bon, moi ça devrait être lundi. Ouais, moi l'initiation, je suis pas allé non plus, je suis resté dans ma chambre. On m'avait menacé, si tu viens pas à l'initiation, il va t'arriver ici, ça. Mais j'ai dit, c'est pas grave, vous ferez ce que vous voudrez. Je suis pas allé. J'écris, il y a à l'initiation, ils disent qu'il y a le jeu de la réglisse, coup de foudre, caler une bière avant de tourner autour de quelque chose. Puis ceux qui se souvenaient, ben, ils prenaient le clipper, ils disaient qu'ils feraient une marque super bonne. Bon, moi, j'en touche pas. Bon, à part de ça, il fait chaud dans ma chambre, mais il a mouillé un peu et s'est refroidi. Là, je vais aller souper. Il est 6 heures, je continue après. Bon, j'ai fini de souper. Mon douche. C'est quasiment un podcast, mais à écrit. Ouais, fait que j'ai révisé mon prêt et j'ai tout augmenté. OK. Ils s'étaient trompés, ils avaient mis que je voyageais matin et soir de Chicoutimi à Sherbrooke et au lieu de mettre le loyer d'une chambre, ils me donnent 600 pour mon transport. En tout cas, une belle erreur. Là, ils vont me donner un prêt de 2500 au lieu de 290. Moi, j'ai eu des prêts et bourses pour environ 10 000. Puis dans la première année après ça, quand j'ai commencé à travailler comme ingénieur, vu que j'avais juste... Mon appart me coûtait 300 dans Hochelaga à Montréal. J'ai remboursé mon prêt la première année, là, les 10 000. J'avais pas de dépenses. J'avais une voiture, une Elantra verte, je pense, à ce moment-là. Mon appart à 300, mais je gagnais... Moi, j'ai été engagé à 45 000 par année comme ingénieur. Donc, j'ai pas eu de misère à rembourser. Là, ça a pris un an ou un an et demi. Sinon, là, j'ai pas encore fait de lavage repassage, mais ça devrait pas être si pire. En tout cas, on vient de perdre le courant, mais juste 5 secondes, c'est mieux de pas arriver trop souvent. Bon, je te laisse, je vais attendre de tes nouvelles. Je vais aller me chercher des timbres et chercher mon adresse. Bye. Là, j'écris, la tour est-elle fermée finalement? La tour, ça, c'était la tour du sorcier. C'était une BBS, Billboard System. C'est un peu, c'est au début d'Internet, j'ai connu plein de mes amis là-dessus. C'était pas comme Internet, là, tu te connectais sur quelqu'un qui laissait son ordi à maison, qui avait installé le logiciel là, de BBS. Lui, il l'avait nommé la tour du sorcier. Puis là, on pouvait se laisser des messages jaser. J'ai rencontré plein d'amis là-dessus. Et voilà pour la première lettre. Celle-là n'a que 2 pages. Donc, c'est quand même intéressant. Bon, ça n'a pas été trop gênant. OK, on y va avec une autre chanson. Au retour, deuxième lettre. On est de retour dans le Lobster. Chanson sur l'album Female Fronted Metal 76 à 89, volume 4, toujours sur archive.org. Celle-là, on peut la chasamer. Puis c'est écrit que c'est la chanson Serre, C-E-R-A, avec un accent circonflexe, I. Serre, I. En tout cas, je ne sais pas c'est en quelle langue. Puis c'est quoi? Ça me faisait penser à quoi? Je voulais vous dire de quoi. J'ai oublié durant la pause, pendant que j'enregistrais la chanson. Je réfléchis. Ah oui, c'est ça. Là, il est 18h43. Faut que je me prépare. Je m'en vais à je recommence une session de piano. Et oui, c'est pour ça que j'étais allé voir Alexandra Strelinski parce que, bon, je joue une de ses chansons, la chanson plus tôt. Mais elle ne l'a pas jouée en concert. J'aurais aimé ça qu'elle la joue. Mais c'est quand même une chanson qui est simple. C'est une chanson pour débutants. Et elle a joué des affaires un peu plus compliquées en spectacle, j'imagine. Mais en tout cas, moi, j'aurais aimé ça l'avoir la jouer. Mais c'est pas grave. Mais c'est ça, je m'envoie mon cours tantôt. J'ai failli pas me réinscrire parce que j'étais blessé. Tu sais, j'ai déjà une blessure à la jambe là, que je suis en train de guérir pour marcher. Je me suis tiré un muscle. Mais là, dans mon bras, je n'étais plus capable de pratiquer le piano. Non, ça, dès que je pratiquais le moindrement, ça me brûlait dans le bras. Puis j'avais plus de force dans la main droite. Fait que je suis retourné, j'ai appelé mon médecin, mais la secrétaire a fait un diagnostic au téléphone. Elle m'a dit, monsieur, vous devriez aller voir votre physio avant le médecin, parce que c'est souvent là que le médecin nous envoie. Puis j'ai dit, c'est une bonne idée. Fait que là, 2 heures après, j'étais rendu chez le physio. Puis j'ai dit, gars, j'ai le même problème que j'ai eu il y a un an ou deux. Puis je me souvenais que j'étais déjà allé chez le physio pour ça. Le test qu'ils font, c'est que tu mets tes mains droites, puis ils forcent sur ta main pour la baisser. Puis du côté droit, j'avais aucun problème, mais du côté gauche, aucune force, pas capable de. Il y avait juste à peser avec une main, puis ma main baissait, tandis que l'autre, ça y prenait 2 mains pour m'abaisser. Donc, ça, le diagnostic, c'est une cervicale C6, des côtes ou de quoi dans le cou, là, qui écrase le nerf du bras, puis en l'écrasant, ben ça enlève la force de la main. Puis pour régler ça, c'est super simple. Il a pris une ceinture qu'il m'a mis dans le cou, puis il s'est mis à tirer. Il a étiré mon cou pour que la C6 n'écrase plus le nerf du bras. Puis on a fait le test après. Écoute, c'était un rendez-vous de 30 minutes, c'était un suivi sur ma jambe, puis j'ai dit « Ah non, on regarde pas ma jambe, on regarde mon bras. » Puis c'est ça, tout de suite après, la force était revenue, j'ai plus de douleur quand je fais du piano. Puis l'exercice qu'il m'a donné, c'est que je tiens une chaise avec ma main, puis là j'étire comme mon cou en tournant tête. Bref, j'ai un exercice à faire et ça règle complètement mon problème. Donc je me réinscris ce soir pour c'est ma deuxième année de cours. Si je regarde dans mon lit, je pense que j'avais débuté justement l'hiver mes cours. Donc, j'ai un an de fête de piano, puis je maîtrise combien de chansons? Ben, la maîtrise, c'est pas bien, mais c'est pas important, mais ceux que je joue bien, je joue Una Mattina très bien, plutôt de Léa Strelinski. Je joue du John Lennon Imagine, je joue bien. Puis là, je suis en train d'apprendre un genre de prélude. Puis celui-là, bon, je commence à le pratiquer et puis à essayer de le maîtriser. Ces 2 pages, ça devrait aller assez vite, là, quelques semaines. Donc, on est rendu à lire la deuxième lettre. On est rendu Sherbrooke, 9 septembre 93. Salut, quelle belle journée aujourd'hui. J'ai dormi jusqu'à midi. On voyait que je travaillais fort. On n'avait pas de cours parce que c'était l'initiation de tous ceux qui étaient en génie. OK, ça a duré longtemps. L'autre lettre, elle datait de quand? Ah oui, l'autre, c'était à où? OK, ça, c'est 2 semaines plus tard. Moi, je suis pas allé, bon, c'est comme je vous disais, j'ai préféré dormir, mais ça a failli mal tourner car hier soir, mon chum de chambre m'avait stoulé à une deuxième année et un matin, il était venu cogner à ma porte, mais j'ai pas ouvert. C'est bon, ça. Mais je suis allé voir les autres se faire beurrer et j'ai vu que j'avais bien fait de pas y aller. Les épreuves duraient de 8h à 5h. Ça durait toute la journée. Des épreuves en bobette, dans la boîte. Faut la faire avec de la bière, bien sûr. Surtout que moi, je buvais pas vraiment. Moi, je bois pas. Je bois pas d'alcool, j'aime pas ça. Donc, je m'en suis sauvé. Cette semaine, je me suis fait un peu d'argent, 35$, rien de fatigant. Je trouvais que mon frigidaire gelait pas fort, alors je l'ai déconnecté pour faire fondre la glace, je l'ai essuyé, et là, j'ai fait des plaintes, je suis allé voir le boss, puis à la fin, je lui ai fait croire que j'avais perdu plein de stock. Mais en fait, j'avais rien perdu, et là, il m'a fait faire la liste de ce que j'avais perdu. Je lui en ai mis pour 35$. Ah oui, on avait des petits frigidaires qui faisaient dur dans nos chambres. C'est des mini-frigos. Mais je me suis remboursé 35$ de bouffe, hein, c'est intelligent. Full affaire qui coûte cher et que je mange jamais. Bon, en tout cas, il m'a fait un crédit de 35$ sur ma chambre, c'est assez bien payé pour 3-4 plaintes. Là, mes cours ont commencé pour de vrai. Test de maths dans 7 jours. Là, j'ai quasiment fini de réviser mon livre de 203. Ça, c'était les maths 203, juste pour ce test. Je m'ennuie pas avec les devoirs que j'ai, mais c'est des devoirs trippants. Le dessin d'ingénieur sur ordi. Ouais, on faisait du dessin, ça, j'aimais. Évidemment, j'aimais ça, puis j'ai pas eu des bonnes notes en dessin, non. Pourtant, mais c'était... Bon. Je sais pas pourquoi. Et le Pascal, ouais. Moi, j'ai commencé à programmer en Pascal. Après ça, le C est arrivé et le C++. Là, je vais sortir super bon en anglais parce que mon cours de Pascal est en anglais. 900 pages à lire en anglais, mais j'ai aucun problème. Je me couche tard la nuit et je lis ça. C'est tellement intéressant. Oh, j'aimais ça. La programmation, je me suis pas orienté vers ça. C'est pas ce que j'aime faire. J'en fais quand même un peu au travail. Là. Je programme, je fais des scripts en Bash, en Shell, en Perl. Là, nos outils maintenant, c'est en Python. J'en fais, mais j'aime pas ça. En Java aussi, des appels en Java. Là, je déteste. Bon, à part ça, pas grand-chose. Les filles sont belles et ma bouffe, pas trop pire. Là, j'ai fait du riz ce soir. Beaucoup de riz. La moitié d'une boîte, j'en ai serré beaucoup. La moitié d'une boîte de riz, voyons donc. Je vais en manger cette semaine. Là, j'ai pas visité Sherbrooke encore. Je suis pas allé encore en ville, mais en fin de semaine, je vais aller au centre d'achat faire mon épicerie. L'après-midi, j'ai trouvé des modems. Je crois bien qu'ils savent à communiquer entre universités. Je vais me faire donner un password bientôt et m'informer si je peux appeler à Chicoutimi. Je crois bien que oui. Si tu montes, tu me diras la date, mais moi, je descends à la mi-session. Je vais m'organiser pour me trouver un livre, mais peu importe, je m'organise pour descendre. Moi, ma semaine de relâche est du 22 octobre au soir jusqu'au 31 le dimanche. Ça donne beaucoup de temps. Je vais donc m'organiser pour avoir un copain qui descend. Il y a le fils des amis de mon père qui est ici. Le fils des amis, OK. Et le bête genre, donc ça devrait être lui. Bon, j'ai plus rien à dire. Je vais écouter un peu la TV et finir mes devoirs qui me restent après. Même si je sais qu'il est impossible de finir ses devoirs. Il y en a trop. Bye, Frédéric. Donc ça, c'est ma deuxième lettre. Deux pages. Ça veut dire que c'est la dernière, dans la dernière, qu'il devrait avoir trois pages. Donc, OK. On sert ça. On va encore partir en musique. J'ai des chansons à vous faire écouter. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi, je les trouve bonnes. Donc, on repart en musique, puis au retour, la troisième lettre. Undercover love, find de retour dans ce Lobster 159.0. La chanson qu'on vient d'entendre, Female Fronted Metal, 1976-89, volume 15, la chanson Undercover Chaos. Voilà, avant de poursuivre avec la dernière lettre que j'ai, on va pas. Ben en fait, j'ai quatre lettres, mais la quatrième était différente des autres. Je parle de je l'ai regardé, celle-là, ça parle de disquette. Fait que c'était pas intéressant. Je l'ai juste ouvert pour voir la date. Puis quand j'ai ouvert, puis j'ai regardé rapidement, là, j'ai vu que ça avait juste rapport à des disquettes. Il n'y a rien à lire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Quand j'étais allé au spectacle d'Alexandra Strelinski, elle nous a... Elle nous parlait entre les chansons, puis là, elle nous expliquait un peu comment elle compose tout ça, puis elle disait que suite à une rupture, bon, elle avait composé une chanson, puis après ça, quand ça allait mieux, quand elle rencontrait une personne, elle a terminé cette chanson-là. C'est une chanson qu'elle dit, même dans les moments tristes, on peut transformer la chanson, puis ça peut être quelque chose de différent que les gens ressentent en l'écoutant. Puis c'est ça, cette chanson-là, elle l'a appelée « Élégie de quelque chose ». Puis moi, je me demandais, je savais pas ce que ça voulait dire « Élégie ». « Élégie », selon ChatGPT, est un poème lyrique qui exprime des sentiments de tristesse, de mélancolie ou de lamentation, souvent en réponse à une perte ou une situation douloureuse. Dans la poésie classique, l'élégie avait une forme spécifique. Bon, les thèmes fréquents, la réflexion, le passage du temps, la nostalgie. Bref, tout ça pour dire que ce midi, moi, quand je m'amuse à pratiquer, vu que ma main est réparée, ça fait longtemps que je compose une chanson. Puis là, suite au spectacle, quand je suis revenu du spectacle d'Alexandra, j'ai avancé dans ma composition. J'ai trouvé deux nouveaux accords que je voulais mettre dans ma chanson à moi. Parce que je l'ai regardé jouer, puis elle, tu vois, ça coule, là, elle joue, puis les doigts lèvent, puis ça, c'était comme, ça coulait sur les notes du piano. Puis c'était drôle, elle tapait du pied quand elle jouait, puis là, elle levait ses mains haut, puis elle avait tout qu'un beau style. Puis bon, ça m'a inspiré pour continuer ma chanson. Donc on l'écoute, ma chanson se nomme... « Improvisation du midi, élégie du moment ». Donc on écoute ça. Thank you. Donc voilà, c'est ma chanson là. Moi, c'est pas une chanson triste, c'est juste une chanson un peu tranquille. Je la pratique depuis longtemps. Je vous l'ai sûrement fait entendre déjà là, une autre version. Là. Plus ça va, plus elle s'améliore. Quand elle aura 5 minutes, ben, elle sera, je l'enregistrerai, puis j'écrirai les notes aussi. Je vais les écrire sur une partition pour qu'elle puisse être jouée. Je la joue aussi de temps en temps à ma professeure. Elle me donne du conseil. Justement, j'ai mon cours dans... Il est quelle heure? 7h38. J'ai mon cours à 8h. Moi, c'est juste à côté de la maison, là. C'est à 5 minutes. Donc, j'ai le temps de continuer. On y va avec la dernière lettre. Dernière lettre, Sherbrooke, 21 septembre 93. Excusez, salut. Tantôt dans la cuisine, il y en a une qui m'a dit... Non, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est toi le chanteur de notre étage. Hé, hé, hé! Car j'arrête pas de chanter depuis une semaine. J'ai enregistré une super chanson. J'enregistrais des chansons en radio puis que j'en tombais sur une bonne, j'arrêtais pas d'écouter. Là, je dois avoir 2 cassettes de nouvelles chansons. Ben, c'est ça. C'est fou. J'enregistre même plus. Je l'écoute tous les soirs quand même. Donc, comme je vous disais, j'enregistrais à la radio là, les nouveaux postes. À part de ça, ben, mes devoirs s'amplifient et la charge d'études n'arrête pas de grossir. Moi... Mais j'arrive assez bien quand même. Le pire, c'est le sommeil. 4 heures par nuit et 4 dans le jour. Je fais ça depuis une dizaine de jours. La nuit, je travaille, j'étudie. Et le jour, après mes cours, je me couche. Hier, je me suis levé vers 10 heures p.m. Hein? Je me suis levé vers 10 heures. Et je me suis couché après 3 heures. Oh non, je me suis... Oh, OK. Je dormais jusqu'à 10 heures du matin. Et go pour les cours en matin. C'est drôle quand même, mais le collègue aime de moins en moins. Lui, il est arrivé de travailler de la Bibli vers 11h et moi, je commençais à travailler. Là, mes parents veulent que je prenne l'autobus pour descendre à la mi-session. Ça veut dire que c'est sûr que je descends. C'est 90 aller-retour au tarif étudiant. C'est pas trop pire. Je vais être chez nous le vendredi ou samedi. Là, à soir, on a une réunion de bloc, car le bloc, à côté de nous, le G2, moi, j'étais au G1, ils nous ont volé notre horloge. On est supposé leur rendre cette nuit. Leur rendre quoi? Leur rendre 2 coups, hein, sûrement. Moi, j'ai l'horaire des agents de sécurité. Ils passent vers 2h45, donc on devrait faire ça après. Soit qu'on leur barre la cuisine ou qu'on vole leur grille-pain. En tout cas, ça risque d'être drôle. Ouais, c'est ça. Le bloc G1, il était... Tous les blocs d'étudiants communiquaient ensemble, mais le G1 était le plus loin et sur le bout de la montagne. Donc, personne... Quelqu'un qui n'avait pas affaire au G1 ne venait pas parce que tu n'avais pas à traverser le G1 pour aller ailleurs. Donc, nous, quand on voulait aller ailleurs et qu'on voulait passer par l'intérieur, ben on partait du G1, on traversait le G2, G3, G4 jusqu'au G5 où il y avait le grand salon. Puis on pouvait sortir là. Puis là, ça débouchait sur le campus juste proche de l'école. Donc, quand il mouillait, on passait à l'intérieur. Sinon, on pouvait sortir directement dehors. Mais les gens des autres blocs n'avaient pas affaire à venir marcher au G1. Donc, dès qu'on entendait la porte ouvrir, on savait, on regardait si c'était quelqu'un qui venait, qui avait sa chambre. Sinon, on supposait que c'était quelqu'un qui venait faire des coups, puis on les suivait ou on lui demandait ce qu'il faisait. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais. Modem. Je communique avec les États-Unis. Je me branche en direct à un terminal du Minnesota. Ça me coûte pas un sou, mais le hic, c'est que j'ai pas le droit. Mais c'est juste un détail. Il y a du fichier texte là-bas. On a des modems 9600 et ça rentre vite. Hey, quand même, on parle de modem, là. C'est ça, c'est en 93. 93, je vous le rappelle, c'est le début d'Internet. C'est le début de WWW au grand public. À ce moment-là, au début de 93, combien y avait-il de sites disponibles? 130. Bon, là, je dis qu'il y avait des films, de l'humour, des jeux de rôle par écrit. Attends. J'ai pas eu le temps de faire le tour. Sur une feuille que mon coloc a amenée, c'est marqué que c'est strictement interdit de faire ça. Mais comme je me sers d'un password utilisé par toute la classe et que mon nom n'est jamais utilisé, je m'en fous. Je laisse aucune trace, sauf un compte de téléphone. 45 minutes en fin de semaine, je retourne cette nuit. Mes ordi sont ouverts 24 heures sur 24, c'est trippant. Je peux juste brancher là avec ce logiciel qui a été fait par l'Université de Minnesota. Je sais pas ce que je faisais. Mais je crois que je peux communiquer avec votre université. J'ai maintenant mon password et voici mon numéro d'utilisateur et mon adresse, si tu aimes mieux. flavoie@andrew.sca.shep.ca. On sert d'un logiciel genre Blue Wave. Je peux écrire partout au Canada. Donc, si tu as accès à ça, ça doit vous paraître ridicule. Là, je dis, je peux écrire partout au Canada. Tu sais, à cette heure, à l'heure d'Internet, là, on peut faire n'importe quoi. Donc, si tu avais accès à ça, envoie-moi ton numéro d'utilisateur pour que je t'écrive là. J'ai pas pu tester encore, mais mon coloc va avoir son password de soir ou demain et on va tester. J'ai failli faire une gaffe. Car pour essayer, j'avais envoyé un message à Everyone, puis ça envoyait des messages à tous ceux qui étaient inscrits ici. Mais le hic, il y a une trentaine d'étudiants et le reste aurait été les doyens, les secrétaires, etc. Bon, tu vois ça, le doyen de l'université qui reçoit un message de moi. Bon, une chance que j'ai fait un check de la user list. En tout cas, là, je mets des fichiers sur disquette pour le fun, il y en a des drôles. À la mission, je vais demander à Redstorm s'il me prête toujours son Commodore 64 et son modem 1200. Comme ça, je vais pouvoir appeler sur le tour. Ouais, à part de ça, j'ai reçu des lettres de plein de gens. Bon, là, je donne des noms. Je vais les couper. Moi, ça me dérange pas, et vous autres? En tout cas, je connais plus... C'est un peu personnel, je le coupe, cela. À part ça, j'ai une blonde. Elle s'appelle Annie, 23 ans. Annie? Je m'en souviens même pas. Bon, tu me parlais de ma... cousine et de son modem. Non, de ma cousine et de son modem. Pas question que tu touches à mes cousines. Voyons donc. je sais pas. Bon. Ouais, je viens d'appeler chez vous. J'ai jasé avec le répondeur. C'est le fun, c'est pas grave. Je rappelle une autre fois. Bon, c'est tout, je crois. Je fais mes devoirs. Je vais aller me connecter aux États-Unis après. Bye. Bon, j'ai coupé deux, trois petites phrases, des noms que je voulais pas dire en ligne qui apportaient rien. Il y a plein d'affaires, je me souviens pas. L'affaire de la cousine. Mon ami Martin n'a jamais croisé mes cousines. Je suis beau. Aucune idée d'où c'est que ça sort dans la lettre. Quoi d'autre? J'avais noté sur mon papier. Je vous ai parlé de ma composition. Ah oui. C'est ça, j'en ai pas parlé dans les lettres, mais dans ce temps-là, on allait souvent aux danseuses, puis il y a plein d'histoires reliées aux danseuses. Parce que c'est ça, il y avait le chef du bloc, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était responsable du bloc. Fait que je me rappelle plus, je pense que c'était Stéphane, nous autres, au G1. Puis bon, il était un peu alcoolique, il était en éducation physique, il a toffé une session seulement. Parce que, bon, il était alcoolique, il n'allait pas vraiment à ses cours, mais lui, il aimait aller aux danseuses. Bon, c'était pas un fiable, il n'était pas vraiment fiable. Fait qu'on on allait aux danseuses, mais on allait le retrouver là, parce qu'on ne voulait pas embarquer avec lui, là. Il était tout le temps un peu chaud. Bon, une fois, je me rappelle que... Ça, c'est bon. Ah oui, c'est drôle. Il est revenu blessé au bloc. Parce qu'il nous avait dit, il dit vendredi, il faut absolument que vous veniez aux danseuses. Il va y avoir une fille des États-Unis. Elle a les plus gros seins qui se peut. Fait que là, on est allé. Nous, on l'a pas vu. Il a dû arriver après nous autres. Nous, on est allé pour 11 heures. Puis bon, la fille était vraiment là avec des seins immenses. Ça avait aucun bon sens. Aucun bon sens. Lui est arrivé plus tard. Puis après ça, quand il est revenu au bloc, il est revenu, puis il marchait courbé. Il avait mal au dos. Puis il dit... En tout cas, le lendemain, il a dû aller à l'hôpital parce que, et justement, lui, il aimait ça, tiper les filles. Bon, il l'a fait venir proche de lui, mais il a donné un coup de sein dans la face et il a tombé à terre à reculons dans sa chaise. Puis il s'est blessé le dos, pauvre gars. Je sais pas si ça, plus son alcoolisme, ça a fait qu'il a quitté, là, mais bon, elle l'avait blessé au dos, il a reçu un coup de sein dans la face. C'était un peu drôle. Mais c'est ça, les histoires de danseuses, j'en ai beaucoup quand même, parce que, bon, à l'université, on y allait pour s'amuser. On allait prendre une bière, puis jaser. Après ça, quand j'étais au travail, CGI, bon, j'étais le plus jeune, puis les plus vieux trouvaient ça drôle de m'amener aux danseuses, puis moi, j'aimais ça y aller avec eux, parce qu'on allait, CGI était au centre-ville, puis il y avait le Super Sexe sur Sainte-Catherine dans ce temps-là. Bon, c'était un bar miteux de danseuses. Là. Les filles étaient droguées, là. Ils dansaient, puis ils avaient les yeux dans la brume. Là. Mais, nous, on y allait sur l'heure du midi parce que le roast beef n'était que 5$ pour une assiette. Donc, moi, j'adorais ça, aller manger aux danseuses. Il fallait prendre un pichet de bière, mais bon, moi, je payais juste un tiers du pichet, j'en prenais pas. Fait que les deux gars qui m'amenaient étaient contents. Moi, ça me coûtait 8$ pour manger mon roast beef avec la bière que moi, je buvais pas. Eux se splittaient le pichet et avaient du roast beef aussi pour 8$. Fait que ça nous coûtait pas cher pour manger du roast beef une fois par semaine. Donc, j'ai longtemps été aux danseuses là, avec ces deux gars-là de CGI qui, eux, étaient... un gars de Firewall et un gars d'administrateur Unix qui, eux, étaient deux bons amis. Puis... c'est quoi? Il y en a un qui était un peu gêné, mais lui, son problème, c'est qu'il tombait amoureux des danseuses. Bon, puis c'était la troisième fois là, qu'il tombait en amour avec une danseuse. Puis elle devenait son amie, mais je pense pas qu'ils couchaient ensemble. Mais bon, elle lui demandait toujours de lui payer des seins parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent. Là. Puis elle, elle voulait se faire augmenter les seins. Puis là, elle lui demandait toujours 10 000 $ pour ça. Je sais pas s'il a fini par payer. Mais bon, son copain, là, il me racontait là, que justement, c'est ça. Lui, il avait des problèmes avec les danseuses. Il tombait en amour avec. Fait que c'était pas une bonne affaire d'aller aux danseuses le midi. Là. Lui, ici, en tout cas. Bref. J'avais-tu d'autres choses? Non, je pense que c'est pas mal ça. Donc, on va repartir. Ouais, mes histoires de danseuses. J'ai sûrement plein d'autres affaires. Mais bon, je m'en souviens pas. Donc, on retourne en musique et ça sera probablement la fin du Lobster. Au retour, je vais... on passe la musique, je m'en vais à mon cours de musique. Puis au retour, je vous parle un peu de mon cours de piano, comment ça a été. Et après ça, on clôt ce Lobster 159. To share, and you could live a long life, baby, but you ever lived until you grow. I know that it might sound crazy, but my favorite place on earth is dim-sum paradise. And you could live a long life, baby, but you ever lived until the dim-sum paradise. When my favorite part, when they bring the food out on that cute little card, and everybody knows that you could live a long life, baby, but you haven't lived until the dim-sum a 30-minute wait, but I'm invited in. Not cause I'm charming, I just came here with my Chinese friend. They told me why, it's crazy here every night. They give you a different menu if they know you are white. And I'm shocked, I put my head down and walk. I take a peek into the kitchen and I see them heating up all the woks. They got pork, it's the best in New York. And of course, they bring my friends their chopsticks and they ask if I want a fork. I said sure, and I can smell all the food. I would grab the cart myself, but I think that'd be rude. All I know is if they don't bring some plates of dim sum, soon I'll blow. I know that it might sound crazy, but my favorite place on earth is dim sum paradise. And you could live a long life, baby, but you haven't lived until the dim sum paradise. And the food rolls around, don't worry about where you sit, because the table's around. And everybody knows that you could live a long life, baby, but you haven't lived until the dim sum paradise. They got dumplings and noodles and rice, so pass me the shumai. And the plates are so little, I'm eating every bit of it tonight. With each and every bite, my taste buds burst like a distant star. I ascend to paradise. I know that it might sound crazy, but my favorite place on earth is in some paradise. And you can live a long life, baby, but you haven't lived until the dim sum paradise. Mommy drives me to tears, and it's took the test of time for over thousands of years. So you already know that you can live a long life, baby, but you haven't lived until the dim sum paradise. Dim Sum Paradise. Oui, ça, c'est une chanson. C'est pas moi qui ai trouvé ça. C'est mon frère qui m'a envoyé ça cette semaine. C'est bon. Je l'ai écouté plusieurs fois, puis j'aime bien ça. Je connais pas l'histoire du groupe derrière ça. Là. Je sais pas s'il m'avait envoyé ça pour une raison, mais en tout cas, j'aime bien la chanson. Sinon, je reviens de mon cours de musique, et ça l'a bien été. Ah, que mon cours de piano a bien été. Ça fait, comme je vous dis, une semaine et demie que le physiothérapeute a réparé ma main, puis depuis ce temps-là, j'ai repris mes études de piano vraiment steady. Là, le matin, je fais 30 minutes et le soir, je fais 30 minutes. Donc, je pratique environ une heure par jour le piano. Ça fait une semaine et demie. Puis là, je suis arrivé à mon cours, puis je maîtrisais bien mes chansons aujourd'hui. Ça a tellement bien été. Puis quand, la dernière fois que j'y allais, je pouvais pas jouer la chanson de John Lennon, Imagine, parce qu'elle me faisait mal aux mains. la manière qu'il y a des notes. Il y avait trois notes que je dois faire à un moment donné dans la chanson qui me blessaient. Mais là, depuis que ma main est réparée, ça m'a permis de la repratiquer. Puis là, ce soir, je l'ai joué avec le prof. J'ai dit, oh, on peut la rejouer. Là, j'ai dit, je suis guéri à 95%. Puis là, elle s'est mise à jouer avec moi. Elle est assise à côté. Puis là, pour Imagine, elle a fait des accords de son bord. C'est une chanson qu'on joue à deux en même temps. Puis la première fois qu'on avait fait ça, ben, tu sais, quand je suis moins bon, ça sonne moins bien. Mais là, ce soir, je l'ai réussi. J'ai ralenti seulement à deux endroits que je maîtrisais un petit peu moins. Mais tu sais, quand tu fais juste ralentir, c'est pas grave. Et elle, elle s'ajuste. Fait que là, j'ai joué avec elle. C'est le fun de jouer à deux, là. Puis après ça, j'ai joué ma chanson de Strelinski, là, plus tôt. Puis ça, je l'ai eu numéro un aussi. Elle a dit ça, c'est des chansons qui sont finies, là, que tu maîtrises. Puis là, j'ai dit oui, j'ai pratiqué, puis ça va super bien. Puis après, je me suis lancé dans la troisième, là, qui est, je n'ai pas le nom devant moi, là, c'est un prélude, puis le nom est en allemand, là. Mais ça a super bien été aussi. J'avais... il y a deux pages de partition, puis là, je maîtrise une page correctement. Fait que là, la prof, elle m'a juste dit de ralentir un peu parce que le but, c'est de le jouer à la même vitesse. Faut pas que je ralentisse. Fait que si je vais trop vite, là, je la jouais, disons, à 120 beats par minute. Elle dit, c'est trop vite parce que tu ne le maîtrises pas partout. Descends à 80 pour qu'elle soit sur le même rythme. Puis après ça, on augmente à 90. Fait que là, c'est ça. Puis là, j'ai la deuxième page à apprendre, la moitié de la deuxième page à apprendre pour cette semaine. Mais bon, en tout cas, elle m'a dit que j'étais bon. Là, je maîtrisais avant les fêtes, les deux derniers cours, je pouvais pas pratiquer. Fait que j'en perdais, j'étais pas bon, je pouvais pas avancer. Là, tu sais, quand tu as mal. Mais là, là, c'est le fun, c'est reparti. Donc, je suis content. J'ai regardé, ça fait 43 cours que j'ai. J'ai commencé en septembre 2023. Fait que là, ça fait un an et trois mois, là. Donc, c'est reparti. C'est quoi que je voulais parler d'autre? Ah oui, j'ai vu sur Internet, si vous connaissez probablement Notch, là, celui qui a créé le jeu de Minecraft. Minecraft, c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde. Je sais pas par combien, je pense que c'est 295 millions d'exemplaires qui a été vendu. Ça le classe en numéro 2. Il y a un jeu qui ne sera probablement jamais battu. C'est Tetris, qui a été vendu à 495 millions d'exemplaires. Et Notch, celui qui avait la compagnie Mojang, qui avait fait Minecraft, il a vendu ça à Microsoft. Je pensais qu'il avait vendu pour 1 milliard, mais il n'a pas vendu pour 1 milliard. Il a vendu pour 2,5 milliards. Et Microsoft... T'sais, on aurait pu croire que c'est pas un bon deal, mais non, ils n'arrêtent pas d'en vendre encore. Ils disent que c'est encore un des jeux les plus joués. Ben là, c'est le jeu le vendu numéro 2. T'sais, moi, je l'ai acheté trois fois pour le PC, une fois pour moi et mes deux gars. Je l'ai acheté deux fois sur les consoles, fait que je l'ai acheté cinq fois 30$. Quand même, 150$ pour Minecraft. Mais c'est des licences qui sont à vie. Quand on les achetait dans le temps, la licence était bonne à vie pour Minecraft, fait que tu as pu le racheter. Fait que j'ai bien conservé nos trois licences, là, nos trois comptes, fait qu'on a tout le temps les updates. Peu importe ce que Microsoft fait, que j'ai rejoué dernièrement, ils ont ajouté plein d'affaires. Ils ont ajouté un nouveau biome, qui est un biome mais qui est comme plus brun, plus terne. En tout cas, moi j'aime bien ça Minecraft encore. Là. J'aime bien ça me faire des jardins, bâtir. C'est ça. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est ça, Notch qui a fait Minecraft, qui a vendu à Microsoft, a demandé à ses lecteurs sur Twitch, ben X maintenant, est-ce que les gens voulaient qu'il développe Minecraft 2 ou il développe son autre jeu qu'il est en train de faire là, avec sa nouvelle compagnie. C'est un genre de roguelike, là, un jeu de tu te promènes dans les donjons, tu meurs, tu recommences, tu montes de niveau, tu continues. Puis là, tout le monde a voté « Ah, fais Minecraft 2! » Puis il a dit « Ben, c'est beau! » Fait que je vous annonce que je fais Minecraft 2, mais une semaine après, il a annoncé « Ah, finalement, je vais me concentrer sur mon roguelike! » Fait que les gens étaient déçus, parce que même moi, j'étais tout énervé. J'aimerais savoir un nouveau Minecraft 2. Évidemment, lui, il n'a plus aucun droit là-dessus. Son Minecraft devrait être complètement différent. Il ne pourrait pas s'appeler Minecraft. En tout cas, il a remis le projet sur la glace. Puis peut-être qu'il va y travailler à un moment donné. Ça serait bien. Parce que c'est une vraie réussite, le Minecraft 1. Puis je pense que le film est sorti. Non, il est pas encore sorti, mais j'ai bien hâte de voir le film avec Jack Black. Ça a l'air intéressant. On en a parlé dans un autre absurde, donc j'en parle pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous parler dans... Je regarde deux secondes. Nintendo annonce la Switch 2. Si vous avez pas vu, Nintendo a annoncé ça. Il n'y a pas grand changement dans le court vidéo de la bande-annonce. On voit une console qui est pareille à la précédente. Elle est juste plus grosse. Donc, elle va être plus forte, elle va coûter le même prix ou un peu plus cher. Les jeux de la version d'avant vont être probablement compatibles, mais ils ne disent pas tous. Donc, est-ce que c'est une bonne annonce? Je pense pas l'acheter puis switcher là, à la nouvelle. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, les 10 appels... Bon, on prend le temps d'en parler. Les 10 appels les plus loufoques reçus par la GRC en 2024. La Gendarmerie royale de la Saskatchewan a dévoilé... Bon, en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dévoilé les appels les plus idiots qu'ils ont reçus. Voici les 10... Puis j'avais le goût de vous en parler. Voici les 10 appels insolites reçus par la GRC de la Saskatchewan. Numéro 1. La fête est finie. Le répartiteur du 911 a reçu un appel d'une personne signalant qu'on lui avait volé son tambourin lors d'une fête à laquelle elle participait. Bon, c'est une connerie. Je compte sur vous. Ce deuxième appel. Une personne a appelé 911 pour demander de l'aide pour un problème mathématique, craignant de rater son examen le lendemain matin. Troisième, ça brasse. Un répartiteur au 911 a reçu un appel d'une personne qui avait des problèmes de machine à laver. Comme quoi les gens y appellent un peu pour n'importe quoi. Quatrième, une personne a appelé pour signaler que son chat avait un comportement difficile et voulait qu'un agent l'aide à résoudre la situation. L'autre, quel dégât? Une personne a contacté le 911 pour signaler un gros dégât causé par quelqu'un hier, jeté sa crème glacée par terre. L'autre, allô, soutien technique. Une personne inquiète a appelé le 911 pour demander qu'on l'aide à déverrouiller son cellulaire. Ensuite, ça bourdonne. Une personne a appelé le 911 pour dire qu'elle avait un problème d'abeilles dans sa maison. L'autre, il ne faut pas stresser Minou. Une personne a appelé pour signaler qu'un renard rôdait dans le quartier et terrorisait un chat. Ok, il en reste deux. Je veux pas. Une personne frustrée a appelé pour se plaindre que ses parents l'obligeaient à ranger sa chambre. Et finalement, dernier appel, on a fait un peu idiot. Une personne inquiète a appelé pour signaler qu'elle ne reconnaissait pas une personne dans sa liste d'amis sur les médias sociaux. Puis là, la GRC rappelle que les appels de ce type-là, là, quand on appelle et on dérange le 911 pour rien, ben ça peut coûter des amendes pouvant atteindre 2 000 $. Donc voilà, c'est terminé pour ce Lobster 159.0. Je vous laisse en musique. Je vais peut-être mettre 2-3 chansons là, que j'avais en banque qui viennent du archive.org là, que j'ai écouté. Les métals, les dames qui jouent du métal. Donc on écoute ça, puis je vous souhaite une bonne fin de Lobster. Небо роднее, нет земли родней. Je m'appelle Sylvain Durif, mon nom au plan cosmique c'est Oriana, donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus, donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur, donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Barbie World. party. Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie. Mais oui, c'est clair ! Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Incroyable ! En fait, je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal qui m'a dit « Mais moi, je sais que tu t'appelles Pierre. » Et il m'a dit « J'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Tu as une mission importante à remplir pour la planète donc, et pour la... pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la cinquième. » Il m'a dit tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl, le dieu oiseau-serpent des Toltecs. Tu es un homme-oiseau, donc tu es un surhomme, en fait. Il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans, quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos, et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhomme, en fait. Je suis le grand monarque. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. J'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisedec. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, donc et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la Confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve. Comment? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou. Qu'est-ce que vous ressentez à Bugarache? C'est que j'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière, donc qui est une cité diamant, arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcadia. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or, qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme ovoïdale, comme ça. La Vierge elle-même, d'ailleurs, qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Un message? Filme mes pieds! The blacks! Clacks! Le 21 décembre, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre et sur les autres planètes, puisque l'humanité est partout dans le cosmos, pour qu'on puisse tous incarner l'amour, donc entre nous, les humains, mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, les élémentaux, les fées, les gnomes. Du relais Oui, moi je... cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler. Il y en a d'autres, en tout plus d'une soixantaine si l'on compte les petits candidats qui ne font pas de matinale et de télé. Des candidats qui vont un peu galérer pour les parrainages. Je vous annonce à tous et à toutes ma candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie. Ah ouais, carrément. Et la formation ? Alors on me qualifie d'homme vert, puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. Et ça fait longtemps qu'il traîne avec Merlin l'Enchanteur ? J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Et sinon, pourquoi on devrait voter pour lui ? Borghi, le Roumain dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme, en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Le programme ? Exiger en fait des gouvernements le démantèlement immédiat de l'appareil d'armement militaire, en France et partout dans le monde. Sur Terre et dans le cosmos également, puisqu'il y a des bases militaires qui sont également présentes sur d'autres planètes. Donc je vous remercie pour votre attention, et pour terminer, je vais vous interpréter un morceau de flûte. Ok, merci. Et bon courage pour les parrainages. El grupo Bilderberg, los Illuminati, Lady Di, Bruce Lee. Tantos y tantos personajes que tenemos para hacer una serie de conspiraciones que nuestro público está muy bien informado, creen que se inmolaron miles de personas conociendo desde dentro del tema, que se tiraron dos emblemas de la tecnología y la seguridad americana con las Torres Gemelas y otro edificio más. Creo en Matrix, Illuminatis y en el monstruo del lago Ness y en cualquier cosa del Cardeñosa y de los de Milenio 3. Pues mira, Lloyd, German Wings, que ruidos hace tu caja negra. Pues mira, Lloyd, lo de Lady Di lo organizó su suegra. Thank you. Thank you. ta religion. We'll be right back. croyez-en, je peux loin les mots d'espoir. Les maudits, les résignés, ils n'ont plus que la mort à boire. Ah m'excite.